Leçon 3. Activités 2 et 3, page 58. Piste 44. Bonjour, docteur. Bonjour. Tu es malade ? Eh oui, j'ai mal au ventre et à la tête. Tu as de la fièvre ? Non, mais je suis fatigué. Tu as mal à la gorge aussi ? Non, docteur,